y reste. Cette bonne guerre qui soucie de tout cela, c'est de coutume, ça se reproduira. Ainsi débute toute une enfance, faite de rires, de pleurs, peu d'importance. C'est juste un pic de rappel, on entre dans la danse. C'est la vie qui s'en mêle à la veille d'une adolescence. Une passade, on s'oublie dans le lit d'autrui. La médecin se permet, la mort y reste le mari, mais qui s'en soucie. On déménage, on change tout de style d'amis, de portable, de boulot et de ville. Mais au bout du compte, que reste-t-il vraiment? Un faux nouvel homme redéfini à partir de son appartement. C'est juste un pitch de rappel, devant un verre de bourbon. Identité artificielle à la veille d'un réveillon. Soyez prudent, c'est tout ce qu'on peut dire par ça, bien réfléchir. Vous construisez l'avenir, soyez prudent.